Jérémie chapitre 21. La parole qui fut adressée à Jérémie de par l'Éternel, lorsque le roi Sédécia envoya vers lui Passur, fils de Malchija, et Sophonie fils de Maaséja, sacrificateur, pour lui dire, « Enquiète-toi maintenant de l'Éternel pour nous, car Nebuchadnetsar, roi de Babylone, combat contre nous, peut-être que l'Éternel agira pour nous selon toutes ses merveilles, et le fera retirer de nous. » Et Jérémie leur dit, « Vous direz ainsi à Sédécia. Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, voici, je m'en vais faire retourner de dehors la muraille, les instruments de guerre qui sont en vos mains, avec lesquels vous combattez contre le roi de Babylone, et contre les Chaldéens qui vous assiègent, et je les ramasserai au milieu de cette ville. Et je combattrai contre vous avec une main étendue, et avec un bras puissant, avec colère, avec ardeur, et avec une grande indignation. Et je frapperai les habitants de cette ville, les hommes, et les bêtes, ils mourront d'une grande mortalité. Et après cela, dit l'Éternel, je livrerai Sédécia, roi de Juda, et ses serviteurs, et le peuple, et ceux qui seront demeurés de reste en cette ville de la mortalité, de l'épée et de la famine, en la main de Nebuchadnetsar, roi de Babylone, et en la main de leurs ennemis, et en la main de ceux qui cherchent leur vie, et il les frappera au tranchant de l'épée, il ne les épargnera point, il n'en aura point de compassion. Il n'en aura point de pitié. Tu diras aussi à ce peuple, ainsi a dit l'Éternel, voici, je mets devant vous le chemin de la vie, et le chemin de la mort. Quiconque se tiendra dans cette ville, mourra par l'épée, ou par la famine, ou par la mortalité, mais celui qui en sortira, et se rendra aux Chaldéens qui vous assiègent, vivra, et sa vie lui sera pour butin. Car j'ai dressé ma face en mal et non en bien contre cette ville, dit l'Éternel, elle sera livrée en la main du roi de Babylone, et il la brûlera par le feu. Et quant à la maison du roi de Juda, écoutez la parole de l'Éternel. Maison de David, ainsi a dit l'Éternel, faites justice dès le matin, et délivrez celui qui aura été pillé, d'entre les mains de celui qui lui fait tort, de peur que ma fureur ne sorte comme un feu, et qu'elle ne s'embrase, et qu'il n'y ait personne qui l'éteigne, à cause de la malice de vos actions. Voici, j'en veux à toi, qui habite dans la vallée, et qui est le rocher du plat pays, dit l'Éternel, à vous qui dites, qui est-ce qui descendra contre nous, et qui entrera dans nos demeures, et je vous punirai selon le fruit de vos actions, dit l'Éternel, et j'allumerai le feu dans sa forêt, lequel consumera tout ce qui est alentour d'elle.